l'autre, mes faces 30 paranoïaques. Prends ton anorak, je représente l'état de braves qui font le pack draft comme Bagdad, le comeback, terre de Zeb, y'a pas de draft. Je suis l'as de pique dans ta manche, l'as de vivre quand t'as moche et je te lâche. Sans style quand ça t'arrange, j'ai la rage de cette routine qui m'a dans sa ligne de mire, dans la tison navire comme Vladimir Poutine. On est dans l'acide, l'acide, la cible. Une pensée pour qui est ma hip-hop élastique, je m'applique, c'est du rap solide. Y'a pas de rap sodie insolite pendant que Sarkozy raconte des tas de sottises. Moi je te parle sous 10, je veux pas finir en sous-mini, en sous-titre, encore moins en sous-vitre. 18ème avenue pour chasser cette propagande, je peux pas attendre le rap, je le masse, c'est pour ça j'ai pas de rap. On n'a pas le choix de nos destins, signe de croissance, peste un rap hard, voici le destin. On a la rage des rapaces, MSD, c'est le carnage des yens, voici le sarcasme. On n'a pas le choix de nos destins, signe de croissance, peste un rap hard, voici le destin. On a la rage des rapaces, MSD, c'est le carnage des yens, voici le sarcasme. 75-018, une vie dans le vice, trempée d'envie, ça part en vrille, penché dans le vide, une zone sensible, tout le monde s'enfuit, y'a pas de consigne, plus pas de chichi, viens pas me chercher, faut qu'on se barre d'ici, le quartier fait trop cliché, entre les drogués et les clochards qui chient. Eh ouais, dans le 18ème, les chaînes foutent sur un ventise. Moi je me sens pas chez moi comme à Touareg sur une banquise. Moi je squatte ma rue avec mes potes quand ma ville s'éteint. Sortir la nuit, c'est comme croquer une pomme, y'a toujours un pépin. Eh ouais, c'est plus du mal, mais du bonheur que je me méfie. Toujours en retard, tout comme un gosse quand tu lui donnes la permission de minuit. Mais pour les jeunes, niquer la justice reste un pari banal où les lois trouvent leur place dans le caniveau comme un pari Paname. Les lampadaires s'allument, pour nous c'est l'aurore. L'heure du réveil, c'est l'horreur. Le crâne en vrac après une soirée au rhum. Je déballe des rimes, c'est pour le système que je les destine. Des manottes, liberté étouffe comme un obèse qui porterait des. C'est sale délire, la jeunesse plane sans but, tout comme des satellites. Faut qu'on se délivre des mains de la rue, c'est rude et de ces sales délires. Mais si en face des trous, mec, c'est ça que tu veux. Une bite dans ton cul, putain, c'est ça que tu vaux. Au match, tu t'es vendu comme une pute en Thaïlande. Avant de parler tôt dans la bouche, cette fois ta langue. Tous mes mots fusent, pour faucher les wacks, ma prose fait mal. Peu comme un chassé dans full contact, la vérité tu la veux, et bien tu l'auras. Paris Hilton n'est pas bonne, et Timbaland baisse Pokora. C'est sale peura, des taffes derrière un micro, des chanteuses de R&B qui tapinent. L'argent c'est ta bingo, l'honneur c'est mon poteau. Alors on est différents, voilà ce qui nous oppose. Les frères m'appellent, et donc je réponds présent. Je suis déjà dans le futur et toi t'es Keblo au présent. On arrive fort comme les caries à Bagdad. On pète le score, ok, demande à Dadeda. J.A.E. Code à vodka comme en EF à Paris, gars. On a l'arme et l'arme. On n'a pas le choix de nos destins, signe de croissance, peste un rap hard, voici le destin. On a la rage des rapaces, MSD, c'est le carnage des yens, voici le sarcasme. On n'a pas le choix de nos destins, signe de croissance, peste un rap hard, voici le destin. On a la rage des rapaces, MSD, c'est le carnage des yens, voici le sarcasme. La tête haute. Mais parfois j'ai du mal, dans le train de la vie j'ai l'impression d'être le passager du mal. Naturel pessimiste, plus si la rage se glisse pour baiser les cycles, douteux comme une vessie de cycliste. S'oxygéner aux abords du périph, qui tourneront comme nos vies, tous les symboles d'une jeunesse en dérive. On a connu la haine, une âme qui te frappe de nulle part, qui te laisse des cicatrices qui coagulent pas. J'ai beau me battre pour conserver l'espoir, et servir le spar m'a détruit, mon sky se laisse boire. C'est le cas de le dire, depuis le temps j'ai pris de la bouteille à bout de zèche. Prostitue pas mon art pour un bout de paye. On manque pas d'air, comme pas d'air au mesrine, pas de mesquine, j'te raconte pas la mèche, j'rimmel, j'ramène, j'estime. Trop de gestes qui me poussent à croire que je peux pas faire ce qui m'a mauvaise estime. Les pupilles trempées dans l'illusion de la vie m'a trompé. Je voudrais bien vivre en paix à Saint-Tropez. Mais trop pas, je reste fidèle. Qui t'a dit qu'à deux pattes t'as dit on mène pas la vie belle. Sois focus sur les flots, m'évader de cette misère. Sortir de l'enterre de cette galère. Rejeter la faute sur les autres, la peau sur les autres. J'irai chercher le bonheur ailleurs. Avec la sueur du ferrailleur, laisser aux gosses un monde meilleur. Quand je repense à mon enfance, au bon moment, je me dis que c'est loin. Passer entre les bras de la tête, c'est dans la classe ou dans le coin. Alors je rejoins. La parole du vieux con, celui qui a tout vécu, tout vu. Sa vie s'écroule en une seconde avec tout ce qu'on endure. Comment faire confiance au futur quand le présent t'encule et que le passé te dit que c'est dur. Nos darons manquent d'air pur, voient leurs enfants dans la résine. On resigne et on se résigne, peur de nous voir finir ici. Maintenant on vit au quotidien et peu à peu le quartier s'éteint. Donc va dehors, un mètre s'envole, encore un suicide tôt ce matin, plus rien de matin. Car j'ai la mûre du petit casso, c'est les gars sentent dans mes écrits que je suis un pur produit de Picasso, dédicasso. Mecs qui sont partis trop tôt, ceux qui sont encore terre par, regardez la fiche, on sera en haut. On n'a pas le choix de nos destins, signe de croissance, peste un rap hard, voici le destin. On a la rage des rapaces, MSD, c'est le carnage des yens, voici le sarcasme. On n'a pas le choix de nos destins, signe de croissance, peste un rap hard, voici le destin. On a la rage des rapaces, MSD, c'est le carnage des yens, voici le sarcasme. Entre nous, j'ai c'est la guerre. La roue tourne, on ne va pas nous la faire à l'envers. Les millionnaires nous grattent, mon frère. Ouais, elle est là l'affaire. Ils ont caché la fève. Un de ma capitale populaire en glace à fer. Le plein s'affaisse. Puis très très vite, il ne reste que les restes. Même les murs se dressent. T'es tout voir pire qu'oppresse. Te tente d'avoir auprès des terres de l'est à l'ouest. À passer des soirées éclairées par les phares. D'une forme monde et une ambiance far west. On part à rôler les gros. Escalader l'Everest et faire de faux euros. Passe loin, j'arrive comme l'ouragan d'un temps de juin. Y'a plus tant de joints. Les boums et j'entends chien de tout. Ils se plaignent comme des toutous. Du coup, de quoi ils voleront tu d'un île coucou. Ma mine se casse avant j'rate tout le tout. J'rappe même si ça touche. Crache, rapparache tout. Moi j'suis pas de ce coup. J'suis de la route de secours. C'est qui te saute, bloque tes secousses. Mais n'oublie pas d'où vient ce coup. Quand j'parle de la rue, y'a un coup de macadam qui coule dans mon larynx. Un coup de massue, appelle-moi nettoyeur. Parce que l'instru j'la rince, y'a trop de cadavres. Bienvenue dans mon repère de brigand intrigant. C'est Pablo Picasso, au bruit de sirène strident. Toutes mes tasses sont parties. Cousin, j'attends pas qu'ils reviennent. Le rap Société Générale, appelle-moi Jérôme Carvienne. L'homme qui valait 7 milliards. Reste crête, mérite le respect. Achète si je traite ta mère après 2-3 bouteilles de despé. Je veux prendre le large. Nous tourneront, j'ai du mal à l'admettre. En pèlerinage, et parfois je tourne en rond comme un haja la mec. Partout la merde. Dans nos ruelles, tu te fais égorger. On a le goût du danger. Lyrics cruels dans du fer forgé. J'ai pris 20 piges à Nanterre. J'suis sorti pour vice de forme. On reste ferme face au quotidien terne. L'air de ses fils, le port. On sort de là. Car y'a trop de fils de là sur tes côtes. Il faut que je tire de là, cousin. Donc t'attardes pas sur le mégot. On pense si bien. J'ai la rime italienne. Le phrase est sicilien. On vient de la plaque tournante du bis de cannabis francilien. L'âme perforée. J'aime la performance. T'inquiète, on percera. Pas là pour te faire pleurer. Mais si tu kiffes le son, on te forcera. Forcera. Forcera. On a pas le choix de nos destins, signe de croissance, peste un rap hard, voici le destin. On a la rage des rapaces, MSD c'est le carnage des hyènes, voici le sarcasme. On a pas le choix de nos destins, signe de croissance.